RQC. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Amis du rock, bonjour. Après une longue période de vacances bien utile pour recharger les accus, c'est une immense joie pour moi de vous retrouver en ce lundi 6 novembre pour passer, je l'espère, un agréable moment en votre compagnie. Jean-Marie avec vous jusqu'à 11h30. Pour un nouveau numéro de Living in the Past, votre émission fétiche du lundi matin. Et comme d'habitude, nous avons entamé en force ces 2h30 d'émission avec John Mellencamp, un souvenir de 1985, un souvenir, évocation aussi du rock des années 60 qui figurait sur l'album Scarecrow. Et nous venons en ce début de novembre de fêter Halloween. Voici pour enchaîner un titre de circonstance, un monument de l'histoire du rock, les Rolling Stones and Sympathy with the Devil. Yeah. Time for a change. Killed us all. Ah, on ne s'en lasse vraiment pas. Les Rolling Stones, Sympathy with the Devil, un titre de 1968. Et oui, ce titre a maintenant 40 ans. Pardon, que dis-je, 50 ans presque sonné. Et en plus d'Halloween, le mois de novembre, c'est aussi en quelque sorte le mois du souvenir. Souvenir de nos proches trop tôt disparus, auxquels nous venons de rendre hommage en ce tout début du mois de novembre. Et ce souvenir, c'est aussi un peu le propre de cette émission, au cours de laquelle nous réécoutons des artistes, des chansons qui ont probablement marqué notre existence tout au long de ces 50 ou 60 dernières années. Aujourd'hui, nous évoquerons le souvenir de deux artistes qui viennent malheureusement de nous quitter au cours de la quinzaine écoulée, à savoir Fats Domino et George Young. Nous poursuivrons notre saga de la musique progressive des années 70. Tangerine Dream nous fera planer durant plus de 10 minutes. Nous ferons ensuite un petit détour dans les années 60 pour revisiter le parcours d'un des groupes fondateurs du rock'n'roll français, à savoir les Chats Sauvages. Il y a 15 jours, nous avions évoqué celui des Pirates et de Danny Logan. Ici, ce sont les Chats Sauvages, pardon, et Dick Rivers notamment. La séquence, l'album du jour, sera, elle, consacrée au tout dernier album du groupe Cream, album qui porte bien son nom d'ailleurs, puisqu'il s'intitule Goodbye. Ce ne sera pas totalement la fin de l'émission, que nous clôturerons avec quelques annonces de concerts. Mais avant tout cela, voyons ce qui s'est passé un 6 novembre dans le passé, dans le cadre de notre séquence anniversaire. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Oh, Comme je l'ai indiqué en introduction, Fats Domino, ce pionnier du rock'n'roll, a tiré définitivement sa révérence le 25 octobre dernier. Il était âgé de 89 ans et d'après la fille du musicien, celui-ci serait mort en paix, entouré des siens. Il était entre autres connu pour ses classiques « Ain't That a Shame » que nous venons d'écouter, mais aussi « Walking to New Orleans » et « Blueberry Hill » par exemple, pour ne citer que les principaux. Grande figure du « jump blues », il était aussi un des personnages clés de la transition entre le « rhythm and blues » et le « rock and roll ». Et surtout un des pionniers de la soul music de la Nouvelle-Orléans. Il a parfaitement illustré le phénomène du crossover où des produits musicaux conçus à l'origine par des Noirs pour des Noirs sont devenus des succès de l'univers blanc. Voici Walking to New Orleans. In my hand, now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey till you spent all. I see you by and by, till I'm walking to New Orleans. I've got no time for talking. I've got to keep on walking. New Orleans is my home. That's the reason why I'm gone. Yes, I'm walking to New Orleans. Thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. But all of those vows you made were never to be. So we're apart, you caught on me still. Love, sweet melody. But all of those vows you made. Et après Ain't That a Shame, nous avons achevé cette séquence d'hommage à Fats Domino qui vient de nous quitter avec Walking to New Orleans, un titre de 1960, et bien entendu pour terminer Blueberry Hill, le tube de 1956 qui figurait sur l'album That's Fast. On part maintenant dans les années 60, le 6 novembre 1968, pour être tout à fait précise. Et à cette époque, Joe Cocker passe en tête des singles. Le titre n'est pas de lui, certes, mais toutes les critiques seront unanimes pour juger sa reprise comme excellente. Il s'agissait bien sûr de la chanson des Beatles, With a Little Help from My Friend. Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? Tell no insane. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. Yeah. Au cours de cette émission Living in the Past, on ne vous passe bien entendu que des titres intemporels comme ce Joe Cocker With a Little Help from My Friend qui n'a à ce jour encore pas pris une ride. Et on fait un petit bond en avant pour se retrouver le 6 novembre 1982. C'est à cette date que le groupe Soft Cell, un groupe de New Wave, a battu un record de longévité avec son single Tainted Love qui, figurez-vous, est resté pas moins de 43 semaines consécutives classé dans le top 100 des charts anglais. Ah, que de souvenirs de soirées mémorables avec ce Tainted Love de Soft Cell. Et 20 ans plus tard, exactement, jour pour jour, soit le 6 novembre 2001, certaines rues de Francfort avaient été rebaptisées temporairement à l'occasion du MTV Europe Music Awards. Durant quelques jours, il y avait une rue Madonna, une rue Robbie Williams, par exemple. Par contre, la rue des Boulangers était, elle, restée la rue des Boulangers. Et à propos de Robbie Williams, en 2005, on apprenait qu'il était devenu le plus gros vendeur d'albums du siècle naissant en Angleterre, ce qui représentait quand même à l'époque près de 6 300 000 albums vendus. Robbie Williams, que nous retrouvons ici avec un de ses titres fétiches, Feel. (9h32 sur les ondes d'RQC. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans.

change that scene one day. Today I might be mad, tomorrow I'll be glad, 'cause I'm not running on my mind. I'm gonna have fun in my city, be with my girl, she's so pretty, she looks fine tonight, she's Et après Robbie Williams et Phil, vous aurez sans peine reconnu à l'instant Easy Beats et son célébrissime Friday on My Mind pour célébrer la mémoire de George Young qui est né le 6 novembre 1946 et qui a été le guitariste du groupe écossais The Easy Beats. Il était aussi, australien, pardon, Easy Beats. Il était aussi, enfin, le frère aîné d'Angus et Malcolm Young d'ACDC. Il aurait normalement dû fêter son 71e anniversaire aujourd'hui, hélas. Ce véritable mentor du groupe ACDC est décédé également le 23 octobre dernier. Il était né à Glasgow en Écosse. Il émigra dans sa jeunesse avec sa famille en Australie et accéda à la célébrité dans les années 60 avec ce groupe Easy Beats pour lequel il avait notamment écrit ce superbe titre Friday on My Mind qui est devenu le tube international que l'on sait. Et toujours avec son comparse Harry Vanda, il a signé ensuite pour John Paul Young, Love is in the Air, également un hit planétaire, ou bien encore la création du groupe Flash and the Pan, principalement connu pour le Walking in the Rain. Voici pour commencer John Paul Young, Love is in the Air, suivi de Flash and the Pan, Walking in the Rain. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Vous êtes peut-être promené aussi ce matin sous la pluie qui nous est revenue, mais qui normalement devrait nous laisser tranquilles le restant de la journée, puisqu'on annonce pas mal d'éclaircies dans les heures à venir. C'était donc Flash in the Pan, Walking in the Rain, précédé par John Paul Young and Love is in the Air. Deux titres avec lesquels George Young a eu le nez fin et qu'on a retrouvé de manière un peu surprenante soutenir des genres musicaux qui ne sont pas véritablement les siens, puisque il était surtout connu, il a surtout été connu pour son rôle de l'ombre, certes, mais son rôle quand même dans l'émergence d'AC/DC. Rien à voir donc avec le disco ou la New Wave, en AC/DC pour lequel il a produit de nombreux albums de ce groupe mythique, albums aussi mythiques d'ailleurs, parmi lesquels on retrouve High Voltage, Dirty Deeds, Don't Dirty Cheap, ou encore Let There Be Rock, et comme on est un peu fou sur RQC et qu'on ne se refuse rien dans Living in the Past, voici un petit extrait de chacun de ces albums. Living in the Past, tout en métal. It's a long way to the top. toujours plus fort. On grimpe dans les décibels, on monte le son. on vient d'achever ce quart d'heure de folie avec AC/DC et ses trois titres. It's a long way to the top, Dirty Deeds Done Dirt Cheap et enfin Wolota Rosie. Clôture cette première heure de votre émission préférée Living in the Past. Et c'était pour saluer la mémoire de George Young, le mentor du groupe qui vient malheureusement de nous quitter et qui aurait normalement eu son anniversaire aujourd'hui. Autre personnage connu dans l'histoire du rock qui aurait fêté son anniversaire. Il s'agit de Glenn Frey, né en 1948 à Détroit, qui était le guitariste et chanteur des Eagles, mais qui avait aussi sorti des albums solo, dont un tube mondial, The It Isn't, qui a figuré sur la BO de la série Le Flic de Le Flic de Beverly Hills. Et on va bientôt célébrer aussi le premier anniversaire de sa mort, puisqu'il nous a quittés malheureusement le 18 janvier 2016. Your head on every beat. Et à 10h08, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en ce lundi matin, jour de reprise pour certains. Et il est plus que temps maintenant d'entamer notre rubrique suivante qui sera consacrée à la musique progressive des années 70 et plus spécifiquement dans le genre progressif. On abordera aujourd'hui un style européen typiquement continental, surtout allemand à base de synthétiseurs et qu'on a appelé planant. On va enfin pouvoir reprendre son souffle après cette frénésie de rock d'AC/DC et de Glenn Frey. Avec des musiciens comme ceux de Tangerine Dream et Klaus Schulze, Kraftwerk, la musique électronique allemande d'avant-garde, autrement appelée rock planant, krautrock en Grande-Bretagne ou encore space rock, a représenté un courant dominant du début des années 70. Marqués par le psychédélisme et la contre-culture américaine, ces musiciens se sont aussi inscrits dans la continuité d'une tradition culturelle européenne séculaire. Et avec le dub jamaïcain, le rock planant est un précurseur de la vague techno des années 90. Au cours des semaines suivantes, nous continuerons à explorer ce style musical. Mais voici pour l'heure Tangerine Dream que l'on retrouve ici en 1973-1973 avec un de ses chefs-d'œuvre, Phaedra, paru chez Virgin, une nouvelle maison de disques qui a connu le succès, qui a ouvert le succès, notamment avec Tubular Bells de Mike Oldfield, que l'on retrouvera la semaine prochaine. Voilà. Voici donc pour l'heure Tangerine Dream, Mysterious Semblance at the Strength of Nightmares, extrait de leur album Phaedra, mais ceci après ce petit message. Très bien, George, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Nous voilà partis pour un voyage dans le temps de 9 minutes 30. Partons dans les nuages. Thank you. excursion intergalactique relaxante à souhait que Tangerine Dream nous a offert dans l'album Phaedra et son titre Mysterious Semblance at the Strength of Nightmares. On va essayer de reprendre, de retrouver ses esprits, de retomber sur le plancher des vaches et de repartir en rythme avec notre séquence, le Rock Made in France, consacrée aujourd'hui aux chaussettes noires. C'est la période où deux groupes mythiques français ont se livré une véritable bataille rangée, à savoir les Chats Sauvages, emmenés par Dick Rivers, et les Chaussettes Noires, emmenées par Eddie Mitchell. Et cette bataille va profondément marquer les années 60 en France, musicalement bien sûr. Et des titres comme « Est-ce que tu le sais ?» ou « Quand les chats sont là » vont, à l'instar de l'œuvre du groupe d'Eddie Mitchell, populariser le rock and roll et déclencher une joyeuse hystérie. Du rock made in France. Well, tu as des ennuis, tu ne dors pas la nuit. Pour oublier tout ça, je connais un endroit. Avec les copains, on y met de l'ambiance. Quand les chats sont là, toutes les souris dansent. Allez, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist ou de bah. Ou bien de rock'n'roll. Well, I dance, dance, dance well. Dance, dance, dance well. I dance, dance, dance. Will I dance, dance, dance? Will I dance? Will I dance to the rock and roll? Now I gotta get off the wall. Il y a des filles, on veut tu, on voit là. À la plus gentille, t'offre un Coca-Cola. Car vous aurez soif pour ça, fais-nous confiance. Quand les chats sont là, toutes les souris dansent. Allez, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist ou de bah. Ou bien de rock'n'roll. Well, I dance, dance, dance well. Dance, dance, dance well. I dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance. Well, I dance to the rock and roll. Danse un air de twist, bah bah, danse un air de twist, bah bah, danse un air de twist, bah bah, danse un air de twist, bah bah, danse un air de twist ou de bah, ou bien de rock and roll. Well, dance, dance, dance, well, dance, dance, dance, ah, dance, dance, dance, well, I dance, dance, dance, well, I dance, well, I dance to the rock and roll. Et donc aujourd'hui, pour notre séquence Le Rock Made in France, nous allons vous raconter brièvement la saga, l'histoire d'un groupe de rock'n'roll mythique du début des années 60, à savoir les Chats Sauvages. Et leur histoire commence après de vaines tentatives réalisées auprès de maisons de disques italiennes. Parce que après ces tentatives, ils se sont finalement tournés vers la France, et plus spécialement Pathé France, pour se faire publier. Profondément influencé par Cliff Richard ou encore les Shadows, Dick Rivers, le chanteur, John Robb, le guitariste, James Fowler, Jack Regar, le bassiste, et Willie Lewis, le batteur, ont sorti leur premier disque, Ma petite amie est vache, en 1961. Et le dessin de cinq chats roquants, d'abord utilisés pour décorer leur cross-caisse, sera, quant à lui, à nouveau utilisé pour la pochette du disque Hey Pony, sorti la même année. Oh, Pony! Hey, hey, hey! Ta mère Bonnie, 1961, et à la faveur de leur venue au festival de Juan-les-Pins, passage obligé de l'époque pour les enfants du rock, les Chats Sauvages enregistreront en 1961 toujours un album qui comprend notamment des titres comme Twist à Saint-Tropez, tiré du morceau de Guy Lafitte, et Est-ce que tu le sais, qu'on a entendu tout à l'heure, inspiré par Ray Charles et son What I Say. Et les amateurs de rock ne tarderont pas à s'enflammer pour les Chats Sauvages qui se produiront au Palais des Sports à la fin de l'année. Ils électrisèrent la salle de spectacle qui, à l'issue de ce concert, a été complètement ravagée par les fans emportés, à tel point que la vedette qui devait suivre, à savoir Vince Taylor, a été dans l'impossibilité d'effectuer son show. Qui n'a pas dansé sur ce titre mythique Twist à Saint-Tropez? Et pour poursuivre la saga des Chats Sauvages, nous sommes toujours en 1961, qui a décidément été une année prolifique pour le groupe, qui sortira encore cette année-là des titres comme Tu peins ton visage et Sous le ciel écossais. Mais il y a, durant cette période, début 62, eu pas mal de mouvements déjà à l'intérieur du groupe, puisque Armand Molinetti, l'ancien musicien de Xavier Cugat, a alors remplacé Willie Lewis, parti rejoindre un autre groupe, Les Champions. Quant au batteur anglais Dean Chilton, ex-membre de Georgie Fame, and the Blues Flames, il est venu renforcer les Chats Sauvages qui, après des titres comme « Oh oui » ou « Quand les chats sont là » qu'on a écouté tout à l'heure, et « Un cœur tout neuf » d'ailleurs, s'orienteront alors vers des titres plus lents comme « L'amour que j'ai pour toi » et « Oh lady ah ». Du plus grand océan, les montagnes et la fureur des torrents, sont petits, petits à côté de mon amour, l'amour que j'ai pour toi, l'éclat triomphant du soleil, la couleur d'un paysage au soir ferme, sont petits, petit à côté de mon amour, l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai pour t'aimer que mon cœur, mais il est prêt à vivre pour toi chaque jour. Il veut te donner le bonheur, car tu es sa joie, toi mon amour. Le ciel jeune et pur du printemps, les serments toujours plus forts des amants. Son petit, petit à côté de mon amour, l'amour que j'ai pour toi. Il est grand, plus grand que toute l'éternité, l'amour que j'ai pour toi. Et moi qui n'ai rien. Lady, oh, lady, vous n'êtes pas revenu. Oh lady, plus jamais je ne vous vois dans ma rue. Mais pourtant, que de rêves je fais chaque nuit, que de rêves je fais. Oh lady, oh lady, aïe aïe aïe, oh lady, ooh, oh lady, oh lady, ooh, oh lady, ooh, oh lady. C'était donc Oh Lady, les chats sauvages, et auparavant L'amour que j'ai pour toi, deux titres qui figurent parmi les titres les plus connus de ce groupe de rock'n'roll dont on évoque ici ce matin l'histoire au début des années 60. Alors que Dick Rivers quitte la formation en 1962, tandis que le batteur André Ceccarelli la rejoint, sortira un titre baptisé « Je reviendrai en... » sans que ce chassé-croisé ne s'ébruite. Et il faudra en fait attendre le retentissant dernier baiser quelques mois plus tard pour que le public découvre le successeur de Dick Rivers, Mike Shannon. Voici Dernier baiser. Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Crois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors se quitter. Les vacances ont duré, lorsque vient septembre et nos baisers. Alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers, et nos baisers, et nos baisers. Dernier baiser, les Chat sauvage dont on évoque aujourd'hui matin le parcours. Et Mike Shannon, le chanteur qui remplace Dick Rivers, n'aura guère le temps de souffrir de la comparaison après la sortie d'Une fille comme toi en 1963. Les Chats sauvages ensuite n'hésiteront pas à emprunter au répertoire des Beatles, d'abord avec Eltham et Seul, reprise respective de titres intitulés She Loves You et Boys. Voici Eltham. Eltham, yeah, yeah, yeah. Eltham, yeah, yeah, yeah. Eltham, yeah, yeah. Avoir perdu son amour à jamais. Hier moi je l'ai vu, c'est à toi qu'elle pensait. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours, yeah, yeah, yeah. Car dans la vie rien ne vaut un grand amour. Elle croit t'avoir blessé, toi tu crois qu'elle t'en veut. Chacun de votre côté, vous êtes malheureux. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours, yeah, yeah, yeah. Car dans la vie rien ne vaut un grand amour. Elle t'aime, yeah, yeah, yeah. Elle t'aime, yeah, yeah, yeah. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. Tu dois certainement revenir le premier. C'est pas déshonorant lorsque l'on est aimé. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours, yeah, yeah, yeah. Car dans la vie rien ne vaut un grand amour. Elle t'aime, yeah, yeah, yeah. Elle t'aime, yeah, yeah, yeah. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. C'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. c'est toi qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. Les filles ne m'intéressent pas. Hey, hey, hey, hey. Oh oui, croyez-moi, ce sont les mêmes qui les premiers finalement se sont mariés. Hey, hey, hey, hey, hey. Non, non, non, non, pas seul. Certains diront ce qu'ils veulent. On ne peut pas vivre seul. C'était donc Seul les chasses sauvages en 1963. Mais avec toutes ces reprises, on ne reconnaît plus la patte des chats sauvages qui finiront d'ailleurs par se séparer en 1964 après Je suis prêt, tiré That's Alright de Mickey Most. Je suis prêt. Je suis prêt, les chats sauvages. Et après leur séparation. Pour autant, les chats sauvages reviendront sous le nom des chats renaissants en 1972, sous l'impulsion de Jack Krueger, une aventure qui prendra fin assez rapidement avec la mort du bassiste 2 ans plus tard. Nostalgiques du groupe Dick Rivers, John Robb et Willie Lewis reformeront le groupe pour l'album Chat Sauvage 1982, qui connaîtra un certain succès, contrairement à une tentative infructueuse avec Mike Shannon, qui ne rencontrera quasiment pas d'écho avec Dernier Baiser. Voici pour terminer cette petite rétrospective des Chats Sauvages, un dernier titre intitulé « Sans raison ». Sur les ondes d'RQC, il est temps d'entamer une nouvelle rubrique. C'est l'album du jour consacré aujourd'hui au groupe Cream et son album sorti en 1969 intitulé Goodbye, qui sera d'ailleurs le dernier. Et cet album est sorti en février 1969. Et pour rappel, ce Cream est une formation qui s'est constituée en 1966 par le batteur Ginger Baker. Le trio de Cream se complétera alors avec le guitariste Eric Clapton, qu'on ne présente bien sûr pas, et un autre monstre sacré de l'histoire du rock, le bassiste-chanteur Jack Bruce. Ensemble, ils connaîtront une ascension fulgurante pour devenir en fait le premier supergroupe de l'histoire du rock. Et d'ailleurs, si ses membres ont choisi ce nom, c'est parce qu'ils se considéraient eux-mêmes comme la crème des musiciens de l'époque, pas moins que cela. Je vous propose maintenant d'écouter une composition de Jack Bruce enregistrée en public au Forum de Los Angeles le 19 octobre 1968. Voici Politician sur l'album Goodbye de Cream que nous revisitons aujourd'hui. Living in the Past, l'album du jour. Oh, C'était Politician, un des titres qui figure sur l'album Goodbye, paru en 1969, le dernier album du groupe Cream que nous revisitons aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est un peu raide de passer comme ça d'un titre à l'autre, des Chats Sauvages à la virtuosité des musiciens du groupe Cream, mais c'est aussi cela, l'émission Living in the Past, vous proposer des styles différents, dans des époques différentes, et de vous offrir une très grande variété à tout niveau. Revenons maintenant à cet album Goodbye, qui a été signé chez Atlantic aux États-Unis, et le groupe Cream d'ailleurs s'envolera pour un premier séjour à New York au printemps 1967, et puis il retournera d'ailleurs à de très nombreuses reprises, déchaînant les passions d'un public avide alors de musique authentique, d'exploration sonore et de virtuosité. Et pour illustrer ce qu'était Cream au sommet de son art, eh bien, nous allons écouter maintenant un extrait enregistré toujours en public, une époustouflante reprise d'une composition du bluesman américain Skip James. Voici I'm So Glad. Tired of weeping, tired of moaning, I'm tired of crawling for life. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. Don't know what to do. Don't know what to do. Don't know what to do. I'm so glad. I'm so glad. I'm glad. I'm glad. I'm glad. I'm so glad. I'm so glad. I'm glad. I'm glad. I'm glad. I'm I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. C'était donc Cream, I'm so glad, et j'espère qu'à l'instar de cette formation, vous êtes toujours aussi heureux de passer la matinée en notre compagnie et en compagnie de cette formation, de ce trio magique qui était Cream. Et ce groupe, au cours de son existence éphémère, leur aventure n'aura en fait duré que 3 ans, de 1966 à 1969. Eh bien, le groupe sortira presque autant d'albums live que d'albums studio. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, on peut estimer que c'est un peu présomptueux et orgueilleux de leur part de se considérer comme la crème des musiciens de leur époque, mais à écouter ce titre « I'm so glad », on ne peut pas totalement leur donner raison, leur donner tort, pardon. Et donc « Goodbye », l'album que nous revisitons aujourd'hui, qui est leur dernier album, paraîtra juste après leur concert d'adieu au Royal Albert Hall de Londres en février 1969. Et cet album, pour en revenir à l'aspect live et studio, bien comporte précisément une face en live et une en studio. Et Cream a, à cette époque, contribué fortement à sortir le rock du format étriqué de chansons de 3 minutes. C'est Jack Bruce qui, tout au long de ces 3 années, a composé et chanté la majorité des morceaux du groupe. Quant à Eric Clapton, lui, il ne signera au final que 3 morceaux, 2 sur l'album qui figure sur l'album Disraeli Gears et 1 morceau intitulé Badge, précisément sur cet album Goodbye, un titre que nous allons écouter ici à l'instant. Et cette chanson, figurez-vous, recèle une grande qualité harmonique et qui est, à mes yeux, peut-être le meilleur morceau de l'album. Et sur cette chanson figure, parmi les musiciens qui ont participé à son enregistrement, figure à la guitare rythmique un certain L'Angelo Misterioso. Et derrière ce pseudonyme se cache en fait George Harrison himself, qui, lié à notre label, ne pouvait bien sûr pas être crédité sur ce titre « Badge ». Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far, and I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. I told you that the light goes up and down. Badge, groupe Cream, en 1969, sur leur dernier album sorti cette année-là et qui marquera la fin de l'épopée de ce trio magique composé d'Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker. Et la pochette de ce disque n'est-elle pas dénuée d'humour, puisque les musiciens, enfin si vous possédez le disque, vous verrez que les musiciens y sont habillés de vêtements argentés et qu'ils saluent leur public comme s'ils venaient de réaliser un numéro de cirque. Et tout au long des trois années passées ensemble, Ginger Baker et Jack Bruce, deux sacrés tempéraments n'ont pas cessé de se disputer, souvent jusqu'à en venir aux mains. Et le succès du groupe et le fait d'être considérés à l'époque comme des demi-dieux ne va faire qu'empirer la situation. Et leurs disputes sont devenues si fréquentes que Clapton déclarera un jour qu'il passait la moitié de son temps à tenter de pacifier les choses. Il faut se rappeler que Jack Bruce ne voulait pas au départ engager Ginger Baker et que c'est sous l'insistance d'Eric Clapton qu'il l'a finalement fait. Et puis, comme beaucoup de groupes, Cream est pressé à l'époque comme un citron. Hein. Les gars jouent 6 soirs par semaine et parfois 2 fois le même soir, imaginez. Et donc, à la longue, l'épuisement, avec en plus les drogues et l'ennui, auront finalement raison du trio. Ils décidèrent donc de mettre fin à l'aventure. Mais comme ce sont des gentlemen, ils le firent de manière très élégante par une tournée d'adieu qui se termina avec ce célèbre concert donné au Royal Albert Hall de Londres le 26 novembre 1968 et concert qui a été immortalisé par le cinéaste Tony Palmer. L'album Goodbye sortira donc après la dissolution du groupe. Je vous propose maintenant de clôturer à 11h20 cette rubrique consacrée aujourd'hui au dernier album de Cream, Goodbye, avec des morceaux studio qui figurent sur cet album. Une composition de Jack Bruce, Doing That Scrapyard Thing, et une de Ginger Baker, chantée à la fois par Clapton et Bruce, What a Bring Down. Ting. RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Jar Parsons' collar in the sky. Water in a fountain doesn't get me very high. Moby Dick and Albert making out with Captain Bligh. So you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead? What a bring down. Little Leda Lou is growing, Amstead's in the north. Betty B's been wearing daisies since the 24th. Where's it gonna end? There's one more coming forth. And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna go to bed? What a bring down. À 11h28 précisément, ce titre What a Bring Down de Cream met un terme à l'évocation de ce dernier album de ce trio, paru en 1969, album qui, pour rappel, s'intitule Goodbye. Et on ne va pas quand même, même s'il est l'heure, bientôt l'heure, on ne va pas se séparer comme ça, on ne va pas se dire goodbye comme ça, puisque auparavant, je vais vous proposer un petit agenda des concerts. Oh, rassurez-vous, relativement bref, quelques piqûres de rappel et quelques nouveautés en l'occurrence. Et puis on se quittera avec toujours en musique avec Depeche Mode et leur célèbre Personal Jesus. Et puis pour se faire plaisir, on se quittera avec un superbe morceau de 2014, enfin un morceau que j'apprécie, d'une formation assez peu connue, Freddy and the Phantoms. Le titre, c'est Borderline Blues. Mais auparavant, quelques dates de concert à noter dans vos agendas. Tout d'abord, Toto qui sera le 15 mars prochain au Zénith de Lille. On aura sûrement l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions. Le même jour, c'est Stereophonics qui se produit à l'ancienne Belgique. Plus près de nous, le 24 janvier, c'est UB40 qui sera à Borgerout. Kiaishchos, lui, se produira le 13 décembre à l'ancienne Belgique à Bruxelles. Quant à Alice Cooper, il sera au Brillport de Danes le mardi 5 décembre. Et pour terminer, Depeche Mode, le 26 novembre au Sport Palais d'Anvers. Avant de les retrouver, je vous souhaite à 11h31 une excellente semaine. D'ores et déjà, je vous convie à venir nous rejoindre sur l'antenne d'RQC lundi prochain à 9h, entre 9h et 11h30 pour un nouveau périple musical dans le cadre de l'émission Living in the Past. Voilà, il est l'heure de se dire au revoir, mais en musique, naturellement. Reach out, touch faith. Yeah. living in the past. Man in rap. Living in the past. Le meilleur du classique. A little